Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Alors, moi, je voudrais vous parler d'un article qui a attiré plus particulièrement mon attention, de Que choisir vers un retour forcé au tout électrique. C'est son titre. Et donc, c'est commenté par Elisabeth Chenet. D'un côté, le gouvernement allié aux puissants lobbies électriques, de l'autre, les bureaux d'études et les spécialistes de l'efficacité énergétique. Au centre, un enjeu crucial. Va-t-on revenir au taux électrique dans l'habitat? Le débat a de quoi rebuter, tant il paraît technique. Les parties s'affrontent autour du coefficient de conversion de l'électricité. Pourtant, au-delà de ce terme, qui ne parle plus qu'aux initiés, tout le monde est concerné. Le sujet porte en effet sur le mode de chauffage qui seront autorisés dans les logements construits à partir de 2021, autant dire demain. Depuis que les constructions neuves sont soumises à la réglementation thermique 2012, RT 2012, les consommations d'énergie sont limitées à 50 kWh par mètre carré par an, contre 130 kWh auparavant, voire 250 kWh mètre cube si le chauffage était électrique. Ces seuils s'expriment en énergie primaire, soit la quantité d'énergie utilisée pour fournir 1 kWh au compteur de l'usager. Pour la plupart des énergies, c'est simple. Elle existe dans la nature. L'électricité, elle, doit être fabriquée à partir de charbon, de fioul, de gaz et particularisme hexagonal, surtout avec du nucléaire. Ainsi, en France, on consomme en moyenne 2,58 kWh pour produire 1 kWh d'électricité. C'est cela qu'on appelle le coefficient de conversion. Alors que ce coefficient s'élève à 1 pour les gaz et les énergies renouvelables, celui d'électricité à 2,58 a lourdement impacté le chauffage dans le neuf. Depuis le lancement du programme nucléaire dans les années 1970, la part de l'électricité n'avait fait qu'augmenter, jusqu'à représenter 70% de l'équipement des nouveaux logements en 2010. Rien d'étonnant, installer des convecteurs ne coûtait quasiment rien aux constructeurs. Et la facture prohibitive, dont les occupants devaient ensuite s'acquitter, était le cadet de leurs soucis. Mais tout a changé avec le RT 2012. Elle a éliminé les radiateurs électriques. Désormais, le marché se partage entre les chaudières à gaz, dans le collectif, et le gaz ou les pompes à chaleur, dans l'individuel. Le pack RO performant n'employant que 1 kW pour restituer 3 kW en chaleur. Vous voyez, c'est très technique. Évidemment, le lobby électrique a très mal pris cette perte massive de parts de marché. Amené par EDF et les fabricants de matériel, il a tout tenté pour sauver le chauffage électrique dans le RT 2012. Sans succès. Loin d'accepter l'échec, il a créé Équilibre des énergies, une association intitulée Fédérateur, mais portée par une idée fixe. Faire sauter le coefficient de 2,58 pour rendre au chauffage électrique sa place de leader. Avec la réglementation environnementale 2020, en préparation pour succéder à la RT 2012, il est en passe de réussir. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Le gouvernement lui fixe 3 grands objectifs, réduire les émissions de gaz à effet de serre des constructions, poursuivre la baisse de consommation d'énergie en renforçant l'isolation et garantir le confort en été pendant les épisodes de canicule. À l'instar du label bâtiment basse consommation, BBC, qui avait préfiguré la RT 2012, des expérimentations ont été menées autour du label énergie positive et réduction carbone via des bâtiments à énergie positive censés anticiper la nouvelle réglementation. La concertation avec les acteurs de la construction battait son plein quand, récemment, le ministère de la Transition écologique a pris tout le monde de court en se calant sur les positions du lobby électrique. L'électricité est la seule solution pour réussir l'atteinte de la neutralité carbone en 2050, assure désormais la Direction générale de l'énergie et du climat. On est retourné quand même vachement en arrière. Pour que les logements neufs passent au tout électrique dès l'an prochain, l'exécutif ne recule devant rien. D'une part, il fait fondre les émissions de CO2 du chauffage électrique ramené et 210 grammes kilowatts retenus pour le label EC à seulement 79 grammes kilowatt-heure. Alors que les pics de consommation qu'il provoque chaque hiver imposent de recourir aux énergies fossiles. D'autre part, il baisse le coefficient de conversion d'électricité à 2,3, bien que ses propres services l'évaluent à 2,74, donc en hausse par rapport aux 2,58 réglementaires. Cet écart s'explique par le recul des centrales thermiques au profit des nucléaires, qui offrent un moindre rendement. 3 kWh de chaleur sont nécessaires pour produire 1 kWh électrique. Vous voyez, hein, je répète le chiffre, 1 kWh d'électricité, 3 kWh, il faut produire 1 kWh électrique. Le gouvernement assume de se baser sur, je cite, la moyenne anticipée au cours des 50 prochaines années, du jamais vu pour une réglementation. Les thermiciens s'en étranglent. Si on veut généraliser la pompe à chaleur performante, on n'a pas besoin de tricher avec les coefficients de conversion et d'émissions de carbone, rappelle Thierry Rizer, le dirigeant d'Enertech, un bureau d'études spécialisé dans la maîtrise de l'énergie. Il a publié une lettre ouverte en appelant à confirmer les avancées majeures du label E+C, c'est-à-dire renforcer l'isolation, minimiser les consommations et promouvoir les énergies renouvelables, plutôt qu'à faire marche arrière sur des points essentiels. Signé par 1700 professionnels du bâtiment performant, elle n'a malheureusement pas suffi. Radiateurs électriques, les voilà. Les radiateurs électriques s'apprêtent donc à faire leur retour, malgré les dépenses en cascade qu'ils entraînent pour les usagers. L'UFC Que Choisir l'a démontré. Ce type de chauffage impose une surdimension des moyens de production et le réseau, sans oublier les pointes de consommation hivernale, provoqué par le parc important de chauffage électrique. C'est ce qu'indique le réseau de transport d'électricité RTE, précisant que pour chaque degré de moins, on consomme 2400 MW en plus, soit l'équivalent de presque 3 réacteurs nucléaires. Cette filiale d'EDF s'était réjouie que la RT 2012 ait freiné le chauffage électrique direct, jugeant que c'était de nature à modérer la thermosensibilité du pays dans le futur. L'augmentation de la consommation d'électricité quand il fait froid. C'est raté. Thierry Rizer soupçonne le gouvernement de vouloir ainsi justifier la mise en chantier de nouveaux EPR. Si c'est le cas, compte tenu de la dérive exponentielle des coûts de celui-ci qui est en construction à Flamanville, on en est à au moins 12,4 milliards d'euros à ce jour, au lieu des 3,3 milliards prévus. On peut vraiment s'inquiéter. Alors, je ne sais pas ce que dira le réseau sortir du nucléaire, mais ça paraît complètement abracadabra, hein, d'autant plus aussi de dire, par exemple, hein, comme le faisait un ministre de l'écologie, qui se prétendait ministre de l'écologie, qu'on pouvait faire du tout électrique d'ici 2030, au point de vue circulation automobile. Voilà de quoi méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.